Lettre 253 de Thérèse à l'abbé Bédière du 13 juillet 1897. JMJT, Jésus. Mon cher petit frère, peut-être quand vous lirez ce petit mot ne serai-je plus sur la terre, mais au sein des délices éternels. Je ne connais pas l'avenir, cependant, je puis vous dire, avec assurance, que l'époux est à la porte. Il faudrait un miracle pour me retenir dans l'exil, et je ne pense pas que Jésus fasse ce miracle, inutile. Oh mon cher petit frère, que je suis heureuse de mourir. Oui, je suis heureuse, non d'être délivrée des souffrances d'ici-bas. La souffrance, unie à l'amour, est au contraire la seule chose qui me paraît désirable en cette vallée de larmes. Je suis heureuse de mourir, parce que je sens que telle est la volonté du bon Dieu, et que bien plus qu'ici-bas, je serai utile aux âmes qui me sont chères, à la vôtre tout particulièrement. Vous demandiez dans votre dernière lettre à notre mère, que je vous écrive souvent pendant les vacances. Si le Seigneur veut encore prolonger quelques semaines mon pèlerinage, et que notre bonne mère le permette, je pourrais vous brouillonner, encore, des petits mots comme celui-ci. Mais le plus probable, c'est que je ferai plus qu'écrire à mon cher petit frère, plus même que lui parler le langage fatigant de la terre. Je serai tout près de lui. Je verrai tout ce qui lui est nécessaire, et ne laisserai pas de repos, au bon Dieu, qu'il ne m'ait donné tout ce que je voudrais. Quand mon cher petit frère partira pour l'Afrique, je le suivrai non plus par la pensée, par la prière. Mon âme sera toujours avec lui, et sa foi saura bien découvrir la présence d'une petite sœur que Jésus lui donna non pour être son soutien pendant 2 ans, mais jusqu'au dernier jour de sa vie. Toutes ces promesses, mon frère, vous paraissent peut-être un peu chimériques, cependant, vous devez commencer à savoir que le bon Dieu m'a toujours traité en enfant gâté. Il est vrai que sa croix m'a suivi dès le berceau, mais cette croix, Jésus me l'a fait aimer avec passion. Il m'a toujours fait désirer ce qu'il voulait me donner. Commencera-t-il donc au ciel à ne plus combler mes désirs? Vraiment, je ne puis le croire et je vous dis, bientôt, petit frère, je serai près de vous. Ah, je vous en conjure, priez beaucoup pour moi, les prières me sont si nécessaires en ce moment, mais surtout priez pour notre mère, elle aurait voulu me retenir ici-bas longtemps encore, pour l'obtenir. Cette mère vénérée a fait dire une neuvaine de messe à Notre-Dame des Victoires, qui m'avait déjà guéri dans mon enfance, mais moi, sentant que le miracle n'aurait pas lieu, j'ai demandé, et obtenu, de la Sainte Vierge qu'elle console un peu le cœur de ma mère, ou plutôt, qu'elle lui fasse consentir, à ce que Jésus m'emporte au ciel. Adieu, petit frère, à bientôt, au revoir dans le beau ciel. Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. La lettre à Mère Marie de Gonzague, mentionnée, ne figure pas dans les archives du Carmel, ou n'est pas consultable en ligne. Marc Emdan, archive.org, d'après Archives Carmel de Lisieux.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.